Alléluia. J'aime lorsque nous chantions ces chœurs. J'ai l'assurance d'être sauvé. Oh, depuis que Jésus est dans mon cœur, la vie éternelle, il m'a donné. Je suis à lui. On va le dire encore avec assurance. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur, la vie éternelle, oh, il m'a donné, Yahweh, je suis à lui et à perpétuité. De toi, Seigneur, nous avons l'assurance encore ce matin d'être des fils et des filles de Dieu, d'être enfants de Dieu. C'est un privilège de t'appartenir, mon Dieu. Et ce matin encore, nous sommes exposés à ta grâce, mon Jésus. Nous avons besoin que tu déverses une portion de ta grâce ce matin. Que ceux qui ont de problèmes dans leur corps, Seigneur, comme ce que tu as fait pour notre sœur, que des guérisons soient là, mon Dieu. Que les affligés, mon Jésus, retrouvent encore le goût de la vie. Que les opprimés et les captifs soient libérés, parce que tu en as le potentiel et la capacité. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Je suis content que Dieu nous donne encore l'opportunité de parler de sa part. Et c'est par humilité, avec beaucoup de gratitude, que je saisis cette opportunité pour dire merci à Dieu. Merci à notre Papa qui renouvelle sa confiance en fait que nous continuions à vous servir. Amen. Nous avons commencé ce long voyage et qui va certainement arriver jusqu'à sa fin avec notre programme du tournant décisif. Nous avons non seulement commencé un voyage qui ne va pas s'arrêter au 30, mais c'est un déclenchement que le Seigneur a commencé, qui nous introduit dans une autre saison. Quand nous disons tournant, c'est que c'est effectivement l'entrée dans une autre saison. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sur un sujet que je formulais: quand Dieu vous établit, il vous déploie ensuite. Quand Dieu vous établit, il vous déploie ensuite. Hier, nous étions sur la pensée de qu'est-ce qui arrive quand Dieu vous établit. Et nous avons parlé d'un certain nombre de choses. Et ce matin, le Seigneur m'a simplement mis à cœur de nous dire que quand Dieu vous établit, il vous introduit dans une saison d'action, dans une saison où lui-même, il vous établit. Lorsque le Seigneur permet que vous puissiez avoir tout l'équipement et toute la grâce et qu'il a investi à vous, l'étape suivante, le Seigneur, il vous déploie. Quand Dieu nous établit, nous l'avons dit, il le fait pour un but qui est précis. Ça, c'est important. Quand nous sommes en train de parler de toutes ces choses, j'aimerais que chacun dans son esprit, chacun dans sa relation personnelle avec le Seigneur, commence à penser à cet objectif spécifique. La vérité est que nous ne ferons pas tous la même chose. L'appel peut être global. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ramenez le monde entier vers Dieu, vers le Seigneur. Et il nous a donné le message que nous portons vers le monde. Mais il y a des personnes que Dieu enverra dans les universités. Il y a d'autres qu'il enverra dans le monde politique. Il y a d'autres que Dieu enverra dans le monde business. Bref, le Seigneur, il va vous équiper et il va vous donner une direction spécifique dans laquelle vous devez aller. C'est dans ce sens que nous disons, l'établissement, c'est un investissement de Dieu. Et ça coûte. Quand Dieu établit un homme, une femme, il investit en vous. Il investit en vous. Et quand Dieu investit en vous, il demandera des comptes. Alléluia. Dieu, au moment opportun, il demande des comptes. Et la Bible déclare à celui à qui il a été donné beaucoup, il sera aussi demandé beaucoup. Nous sommes donc établis pour être des représentants de Dieu. Nous sommes établis pour être des mandataires de Dieu. Hier, je parlais de l'établissement comme un mandat. Lorsque Dieu dit que je vous établis, quand Jésus dit « je vous ai choisi et que je vous ai établi afin que vous alliez », nous avons montré que ça signifie « je vous donne le mandat de faire quelque chose ». Vous êtes établi, ça signifie vous avez reçu un mandat de faire ou de réaliser un travail. Vous avez reçu le pouvoir. Vous avez reçu le pouvoir. Et aujourd'hui encore, le Seigneur, il déploie ce pouvoir sur nous. La pensée que je voudrais méditer, elle se trouve dans Jean chapitre 4, le verset 35. Jean chapitre 4, le verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. Il y a des personnes qui se posent encore des questions, comme autant de disciples. Des gens qui pensaient qu'il faut encore attendre. Il y a encore 4 mois, peut-être tu te dis aussi ce matin, je pense que je vais encore attendre 1 année, 2 ans, quand j'aurai mon diplôme, quand j'aurai mon travail, quand je vais me marier, quand ceci sera prêt, quand j'aurai un peu d'argent. Voilà, il y a beaucoup de raisons que nous pouvons avoir. Mais le Seigneur, il dit à ses disciples, pendant que vous êtes en train de vous poser des questions ou vous êtes en train d'avoir un regard autre sur le calendrier ou sur le temps et les saisons, je voudrais simplement vous dire que la moisson, elle est déjà disponible. Regardez les champs. L'expression que Jésus utilise ici, les champs, il ne s'agit pas des champs physiques, il ne s'agit pas des herbes. Jésus est en train de parler du monde entier. Il est en train de parler des hommes et des femmes, les foules, les nations. Parce qu'à ce moment, il venait de dire, je vous ai établi. Il dit, pendant que vous dites que nous avons des raisons pour ne pas faire quelque chose, il dit, pourtant le monde vous attend. Pourtant des cœurs sont disponibles. Pourtant des cœurs attendent que tu libères une parole. Pourtant il y a des cœurs assoiffés qui ont besoin d'une parole de réconfort, une parole d'encouragement, une parole de foi, une parole de révélation qui peut changer la direction d'une vie. Et ce matin, je voudrais dire à chacun d'entre nous que nous sommes en train d'aller dans la phase du déploiement. Quand Dieu vous établit, l'étape suivante, il vous déploie, il vous envoie en mission. Alors j'aimerais comprendre un peu avec vous le sens du déploiement. Quand on parle de déployer une personne, déployer une équipe, généralement l'expression a été utilisée dans les armées. Lorsqu'on déploie une armée, par exemple, en général, c'est pour aller remettre de l'ordre dans une situation. C'est pour aller mettre fin à une situation catastrophique. Vous allez voir aussi, on ne déploie pas n'importe qui. lorsqu'il y a un problème qui survient, par exemple, dans une province d'une nation, si le président de la République doit décider de déployer une unité, c'est effectivement l'unité dans laquelle il a confiance. Il estime que l'unité a été préparée. Les hommes et les femmes qui constituent cette unité ont eu l'équipement nécessaire. Bref, il déploie la personne pour mettre fin à une situation. Déployer aussi, ça signifie envoyer en mission. Envoyer pour poser des actes. Envoyer pour agir au nom et pour le compte de celui qui vous a envoyé. Le Seigneur, ce matin, il a besoin d'hommes et de femmes qu'il peut déployer pour aller remettre de l'ordre dans certaines situations. Il y a des familles qui ont besoin que tu sois véritablement déployé pour ramener de l'ordre. Il y a des situations dans notre société qui attendent que tu te lèves. Vous savez, l'armée et la police, lorsqu'elles sont déployées, c'est aussi pour assurer la sécurité. Et généralement, on dit la sécurité des personnes et de leurs biens. Mais dans le monde des esprits aussi, dans le monde spirituel, dans l'environnement, dans la société où nous vivons, nous avons besoin des hommes et des femmes qui sont déployés par Dieu pour remettre de l'ordre, pour assurer la sécurité. Lorsque tu y arrives quelque part, les gens se sentent en sécurité ou ils se sentent menacés. Ta présence, est-ce qu'elle rassure? Ta présence, est-ce qu'elle console? Ta présence, est-ce qu'elle donne le goût de continuer de vivre? Ta présence, est-ce qu'elle inspire? Alléluia. Ta présence, est-ce qu'elle vaut quelque chose? Ta présence, est-ce qu'elle vaut? Ta présence, est-ce qu'elle peut, on peut sentir que tu es là? Lorsque vous êtes comme déprimé, vous êtes sous, n'est-ce pas, la menace de tout ce qu'on peut appeler groupes armés, je ne sais pas, les bandits. Quand l'armée professionnelle est déployée, vous sentez que vous êtes en sécurité. Je prie que Dieu déploie des hommes et des femmes. Lorsqu'ils arrivent dans des situations, les gens se sentent réconfortés. Les gens se sentent encouragés. Est-ce que dans ta famille, on peut dire au moins notre frère ou notre sœur, elle prie. Même s'ils ne peuvent pas te suivre, mais ils savent qu'à cause de toi, au moins ils sont en sécurité spirituellement. Et qu'à un moment donné, ils n'auront d'autre choix. On a entendu beaucoup de témoignages où un papa dit à ses enfants, il dit, bon, vous avez vu le modèle de l'autre, suivez-les partout là où il prie. J'ai vu un frère qui témoigne, il dit, mon papa, il a dit à mes petits frères et sœurs, j'ai vu mon fils, même si je ne dis rien, mais suivez-les. On a vu qu'il porte quelque chose. Le temps du déploiement. Quand Dieu, il a investi à vous, quand Dieu, il vous a établi, l'étape suivante, c'est le déploiement. Et dans la plupart des cas, nous avons agi par l'inaction. Nous avons été dans la distraction. Nous avons été en train de faire des calculs parce que nous pensons que nous pouvons encore attendre un peu. Alors, j'aimerais dire ce matin qu'il existe une zone de déploiement pour chacun d'entre nous. Il existe, alléluia. Quand Dieu, il vous établit, il identifie le couloir ou la zone, l'endroit spécifique dans lequel vous devez aller. Et ce qui est important dans la vie, ce qui valorise même dans la vie, c'est la capacité de localiser votre zone de déploiement. Alléluia. Localiser. Si vous n'êtes pas en mesure de localiser votre zone de déploiement, vous pouvez passer dans votre vie à côté de l'essentiel, dans les tâtonnements, ou simplement ce qui est grave, vous pouvez rendre nul tout ce que Dieu a investi à vous. Parce que ce que Dieu investit en vous, c'est un investissement, c'est un potentiel. C'est la richesse que Dieu a placée en vous et il vous appelle à vous lever pour faire quelque chose. Dieu vous établit pour accomplir des choses spécifiques dans un espace géographique bien déterminé. Ça peut être une nation, ça peut être plusieurs nations, ça peut être une ville, ça peut être une famille. Bref, Dieu détermine toujours les limites. Et dans une période donnée, c'est pourquoi nous continuons à encourager le peuple de Dieu. Nous sommes tous encouragés à développer le sens du temps. Le sens du temps, parce que Dieu agit dans le temps et dans l'espace. Alléluia. Dieu agit dans le temps et dans l'espace. Et la capacité de lire les signes des temps, de les interpréter, parce que nous disons toujours et nous les confessons, qu'il est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire chaque temps et chaque circonstance a ses caractéristiques. Chaque temps et chaque circonstance a son contenu. Chaque temps, chaque circonstance a ses opportunités. Et si le Seigneur, il a créé un environnement dans lequel il veut que vous accomplissiez quelque chose et que vous n'êtes pas à mesure de lire les signes des temps, alors vous allez passer à côté. Probablement vous viendrez agir, c'est en retard, déployer. Nous sommes au temps du déploiement. Et quand Dieu, il veut déployer un homme, une femme qu'il a établi, vous le sentirez dans votre cœur. Tu vas sentir en toi comme si tu as besoin de faire quelque chose ou simplement tu sens que ce que tu fais n'est pas encore arrivé au niveau où tu devrais être. Tu sens comme si même si tu es là, même si tu fais ceci, ce n'est pas encore ce que tu devrais faire. Il est possible que le Seigneur est en train de te dire c'est maintenant que tu dois faire ça. Si tu es dans la salle ce matin et que tu es en train de sentir à toi que pourtant je devrais faire ça, pourtant je pense que l'environnement est favorable, pourtant je pense, tu sens que c'est présent. C'est persistant. Ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est avec toi. Et il est prêt à te déployer. Parce que lorsqu'il t'établit, lorsqu'il investit en toi, lorsqu'il t'a choisi, l'étape suivante, c'est de te déployer. Alléluia. Et il s'occupe du déploiement. Ça, c'est la bonne chose. Il s'occupe du déploiement. La deuxième chose que je voudrais ajouter à cela, c'est que le miracle dans la vie existe. Et nous prions pour le miracle. Et le miracle sont là. La Bible est pleine de miracles. Il y en a plein dans la Bible. Et parfois, les gens se posent la question, pourquoi moi je ne vois pas ceci? Ainsi de suite. Le miracle est le résultat de la complicité entre Dieu et l'homme. Ça, c'est fondamental. Pour le reste de notre vie et de notre marche avec le Seigneur, peut-être nous l'avons déjà attendu avant, nous avons besoin de le répéter, d'insister cela. Le miracle dans la vie est de quelque nature que ce soit et dans quelque domaine que ce soit. Que ce soit au plan spirituel, social, économique, quel que soit le secteur dans lequel Dieu il vous envoie, le miracle est possible. Le miracle, c'est un résultat qui est au-dessus de la normale. Et nous parlons du miracle comme le résultat de la complicité entre l'homme et Dieu. Bien que ma part en tant qu'humain peut être petite, elle peut être petite, parfois elle peut être même symbolique, elle peut être minime. Elle peut être non perceptible, mais il faut qu'elle soit là. Il faut qu'elle soit là. Parce que c'est comme le déclencheur. C'est comme le déclencheur. Voyez quelqu'un qui peut être dans sa cuisine et qui a un bidon dans lequel il y a du pétrole ou du gaz. Si vous ouvrez votre bouteille ou soit votre bidon, le gaz va commencer à s'évaporer dans la nature. Le gaz, il existe, mais il faudra qu'il y ait quelqu'un qui vient avec son allumette pour juste donner une intercelle pour vous rendre compte qu'il y a une grande fumée dans votre maison. Alléluia. Et c'est cette intercelle qui est votre responsabilité en tant qu'humain. Mais vous pouvez rester toute la journée et même le gaz va s'évaporer dans la nature. Il ne vous sera pas utile. Donc il y a besoin d'un acte. Et c'est comme cela que nous disons, dans la plupart des cas, nous sommes dans un environnement où la grâce de Dieu est dispo. Mais parfois, il suffit d'un simple acte de foi qui peut déclencher quelque chose de grand qui se passe dans votre vie. Alléluia. Tu as besoin de te lever pour poser un acte de foi. Tu as besoin de te lever pour comprendre que dans mon environnement, la grâce, elle est là. Voyez-vous ce que la Bible dit de cette femme? Il a été dit, ta foi t'a sauvée. Il a fallu une foi qui permet de connecter cette femme à la grâce de Dieu. Et il y a plusieurs choses que Dieu a faites dans la Bible qui sont le résultat de cette complicité entre l'homme et la femme, disons qui ont été établis, l'homme, la femme établis, mais qui répondent à ce que le Seigneur est en train de faire. Et on peut voir beaucoup d'exemples tels qu'au noce de Cana. Lorsque Jésus, alors qu'il était avec Marie, il a dit simplement, Marie, faites simplement ce qu'il vous dira. Le reste, il va s'en occuper. Et ce matin, je dis à quelqu'un, fais ce que Dieu te demande de faire. Le reste, Dieu va s'en occuper. Alléluia. Le reste, il va s'en occuper. Parfois, tu ne sauras pas jusqu'à quelle taille, jusqu'à quel niveau il va le multiplier, mais le reste, il va s'en occuper. Alléluia. La vérité, c'est que l'homme, en tant qu'être humain, nous avons des limites. Les choses que nous faisons ont d'une manière ou d'une autre une certaine limitation. C'est lorsque ce que nous faisons est récupéré et pris en charge par la grâce de Dieu que nous voyons des résultats qui sont au-delà de ce que l'humain peut imaginer. Nous avons vu au temps où Jésus était en face d'une foule, Jésus avait la capacité de produire à ce que les pains ou soit les poissons viennent de partout comme c'était la manne dans le désert. Mais à un moment donné, il a dit, et même quand il s'agissait de la manne, il fallait que les gens croient et se déplacent pour aller récupérer la manne. Alléluia. La manne ne trouvait pas les gens dans la maison parce que Dieu avait la capacité aussi d'amener la manne que tu te réveilles chaque matin. La manne est déjà dans ta maison. Mais Dieu a toujours besoin d'une participation, d'une collaboration. Jésus, il a dit, qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit, nous avons 5 pains et 2 poissons. Et Dieu, par la grâce de Dieu, il a multiplié. Nous avons l'exemple qui est très intéressant, c'est celui de David. David, à son temps, il a juste ramassé une petite pierre. Et vous savez que c'est cette pierre qui a mis fin à toute une bataille, qui avait humilié un peuple. Vous savez, il y a toutes les possibilités. Pourquoi la seule pierre est allée jusque dans le front? Parce que la pierre, elle était prise en charge par une grâce pour l'amener jusqu'à l'objectif. Et je prie que la pierre que tu es en train de ramasser aille jusqu'à l'objectif. Mais tu dois la ramasser et la jeter. Alléluia! Que Dieu oriente et canalise la pierre que tu es en train de jeter jusqu'à l'objectif spécifique. Et non pas à gauche ou à droite, là où ça doit aller. Je ne sais pas exactement de quoi je parle. Peut-être c'est vous, il y a des situations spécifiques dans la salle ici. Mais que Dieu récupère votre situation. Que Dieu récupère vos efforts limités. Que Dieu récupère votre acte de foi pour le multiplier par sa grâce. Seigneur, merci. Le miracle dans la vie, il se produit lorsque l'homme et Dieu, ils sont dans une complicité. Nous voyons même cet exemple dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 17. Où Israël était devant un affront, une humiliation, un peuple fort que lui. Et je sais que parfois dans la vie, nous rencontrons des situations qui sont plus fortes que nous, qui nous dépassent, que nous ne savons pas maîtriser, parce que le système, il est au-delà. Mais la bonne chose, c'est que je ne suis pas seul. Si la situation est plus forte que moi, il y a quelqu'un qui est plus fort que ma situation. Et il s'appelle Jésus. C'est lui qui a vaincu sur la croix et c'est lui qui a payé le prix pour moi. Si la situation est au-dessus, lui, elle est encore au-dessus. Et Israël faisait face à cette situation. Voici ce que Dieu dit. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Il y a certaines situations qui ne sont pas nos combats. Mais il dit à Israël, présentez-vous, tenez-vous là. Parce que Dieu même reconnaît que physiquement, s'il s'agit à Kupigana, vous n'avez pas d'énergie. Parce que ça arrivera, c'était le cas aussi, n'est-ce pas, d'Israël avec Goliath. Et il dit, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Même si nous n'allons rien faire, il dit, présentez-vous. Il y a quelqu'un à qui Dieu dira, présente-toi. Tu dois te lever et aller te présenter. Tu dois te lever et aller en face de ton problème. Tu dois te présenter, peut-être libérer une parole, et Dieu va récupérer cette parole. Alléluia. Alléluia. Vous savez que les paroles que nous pouvons libérer, ce sont des paroles qui ont la vie. Vous libérez une parole et la Bible déclare, il y a des esprits tout autour de nous qui attendent cette parole-là. La vérité, c'est que nous avons vu des intercesseurs qui ont dit, voilà, tu dois te lever. Et il s'est levé. Qu'est-ce qui pesait sur elle, nous ne savons pas. Mais ce qui est vrai, il y a quelqu'un qui est venu avec l'autorité, il a dit, tu dois marcher. Et il a marché. Je prie que Dieu nous donne ce pouvoir, cette autorité avec laquelle tu peux te lever devant une situation, tu dis, c'est fini et tu t'arrêtes. Amen. Alléluia. L'armée du Seigneur, le temps du déploiement. Lorsque Dieu vous établit, vous avez besoin de comprendre ces vérités, bien-aimés. La complicité entre Dieu et l'homme qui produit le miracle, qu'il existe une zone spécifique pour votre déploiement. Mais beaucoup de choses n'arrivent pas dans notre génération. Quelqu'un a dit que c'est à cause de l'inaction des chrétiens. Les chrétiens, nous avons beaucoup prié dans certaines circonstances. Les chrétiens, nous avons beaucoup loué. Mais après, à un moment donné, Dieu, il attaque, oppose un acte. Mais nous sommes comme des réservistes. Nous avons des raisons pour ne pas faire ceci ou cela. L'inaction, l'ignorance des saisons. Après la prière, après la confession de foi, après la déclaration, après de fortes louanges, le temps arrive où l'armée du Seigneur doit se lever pour être déployée. Vous savez, tout ce que nous faisons, c'est comme la préparation. Une armée ne peut pas être déployée si elle n'a pas encore été préparée. Et tout ce que nous faisons, Dieu est en train de nous préparer. La passivité, l'oisiveté, toute forme d'inaction, ce sont des choses qui empêchent que nous puissions voir le miracle de Dieu. Et parfois, il y a l'attentisme, vous savez, cette attitude d'attendre qu'apparemment quelque chose va nécessairement arriver de soi-même. Non, bibliquement, le Seigneur est complice avec ses serviteurs et servantes. Et il attend que tu fasses quelque chose. Et ce matin, j'aimerais parler de quelque chose rapidement qui peut nous soutenir, quelques attitudes ou quelques vérités qui peuvent nous aider dans notre engagement, dans notre processus d'entrée dans la saison du déploiement, la saison dans laquelle Dieu est en train de nous amener. La première chose qui est essentielle, c'est dans Jean chapitre 4, le verset 35, le passage que nous avons lu. Dans ce passage, nous voyons une recommandation de Jésus à ses disciples. Il dit, levez les yeux, regardez. Non seulement lever, c'est-à-dire à un moment donné, la tête elle est courbée probablement. Mais Jésus dit non, il faut lever les yeux. Dans certaines circonstances de la vie, bien aimé, il faut lever les yeux pour voir ce qui se passe. Parce que nous avons dit qu'il existe une zone de déploiement. Il y a un couloir spécifique dans lequel Dieu veut que tu accomplisses quelque chose. Et Dieu dit à ses disciples, Jésus, levez les yeux et regardez. Les champs sont prêts. Les hommes, le monde est prêt, le monde vous attend. Vous savez que nous sommes en train de vivre des circonstances difficiles, mais nous portons à nous un message de l'espérance. Nous portons à nous la vie que nous pouvons communiquer. Levez les yeux. Donc la première chose qui est essentielle pour nous, lorsque Dieu, il veut nous déployer, lorsque Dieu, il veut nous envoyer dans son champ, après qu'il nous ait établi, c'est la capacité de voir et la capacité de lire les signes des temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons dit et nous allons le répéter. Dieu, il travaille avec les saisons. Dieu, il travaille dans le temps. Et chaque temps est porteur d'une grâce, d'une provision. Chaque temps est porteur de ses opportunités. Et le Seigneur, il peut, de temps en temps, il peut dire, ne fais pas ça. À un moment donné, il dit, fais ça, c'est maintenant le temps. Et donc, nous avons besoin, en tant qu'enfant de Dieu, d'être capables de lire qu'est-ce que Dieu est en train de faire, quelle est la dynamique spirituelle, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans la nation, quelles sont les choses, quels sont les changements que Dieu est en train de permettre autour de moi, dans mon environnement, dans ma famille, dans mon église, dans mon université, qui sont une opportunité pour faire quelque chose. C'est très important. Et ce matin, je parlais de cette armée qui est déployée, qui est préparée, qui comprend davantage l'environnement dans lequel elle est en train d'être déployée. C'est comme cela que vous pouvez voir quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui est déployé ici. Il commence à vous décrire votre pays mieux que vous-même. Parce qu'en fait, il est envoyé avec une mission. Il peut juste vous présenter la mission de face, de façade, mais au fond, il y a une autre mission. C'est-à-dire qu'il a été préparé. Et le Seigneur, il dit à ses disciples, vous vous posez encore des questions, mais regardez, tout est déjà prêt. Ce matin, j'ai dit à chacun d'entre nous, tout est prêt. Le Seigneur a préparé le champ. Le Seigneur a préparé l'environnement. Lève-toi, saisis l'opportunité. Alléluia. Alléluia. C'est notre saison. C'est notre saison où Dieu, il a même promis qu'au temps de la fin, l'Église aura la supériorité. Au temps de la fin, l'Église aura un mot à dire. C'est biblique, c'est prophétique. L'Église, Dieu va bénir son peuple de toutes sortes de bénédictions. Afin que nous soyons ceux qui peuvent commander, ceux qui peuvent dire quelque chose. Mais est-ce que le peuple de Dieu, nous sommes capables de lire et d'interpréter les signes de temps? Ou nous sommes toujours à la traîne pour dire, Seigneur, on attend encore, nous prions beaucoup. Non, frères et sœurs, je crois qu'au-delà de la prière, il y a les actions qui doivent accompagner. La prière, c'est la base arrière qui soutient nos actions. Après avoir prié suffisamment, comme notre papa nous a recommandé, prier long et profond. Frère, après ça, si tu te lèves, il y a des choses qui doivent se passer. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas, il y a des choses qui doivent se passer. Et moi, je vois ces choses qui arrivent. La grâce de Dieu sur ta vie, la provision de Dieu, elle est libérée sur toi. La capacité de voir, de lire des signes de temps. Dieu veut ce matin. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Je te établis. Bien-aimé, Dieu nous a établis. Il est clair, même dans la Bible. La Bible déclare, il nous a marqués de son sceau. Il nous a authentifiés. Il a reconnu que nous sommes faits prêts pour faire son travail. Hier, je disais, lorsque une autorité met son cachet sur un document, c'est pour dire que ce document a été vérifié, il a été validé dans sa forme et dans son contenu. Ça veut dire que c'est prêt pour être libéré. Et les enfants de Dieu, chrétiens, hommes et femmes, Nous avons été secoués dans toute l'administration divine. Les anges ont pris ton dossier à gauche, ils l'ont amené à droite, ils ont regardé la forme, ils ont regardé le contenu, tout ce dont tu avais besoin. Ils ont amené le dossier devant le Seigneur. Et Dieu lui-même, il a aussi regardé, il a dit, c'est bon, validé, authentifié. Il fait partie de l'armée. Et c'est toi et moi ce matin. Je vois des hommes et des femmes puissants aussi devant moi. Des hommes et des femmes puissants que Dieu va élever. Des hommes et des femmes puissants que Dieu est en train d'utiliser. C'est toi et c'est moi. Peu importe même si tes chaussures sont trouées ce matin. Peu importe même si tes poches sont vides ce matin. Peu importe qui tu es. Peu importe d'où tu viens ce matin. Peu importe. I don't know. L'essentiel est que Dieu, il a validé. Dites avec moi, Dieu a validé mon dossier. Dieu, tu as validé mon dossier. Ton dossier a été validé. Ton dossier a été validé. Question de temps et de circonstances. Et Dieu dit, lève les yeux. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je suis en train de faire dans ton environnement que tu n'arrives pas à remarquer, à identifier? Seigneur, donne-nous la capacité. Donne-moi la capacité de voir. Quelles sont ces personnes? Quelle est la mise en place que Dieu est en train de faire pour toi? Vous savez, si tu es ignorant, on peut même faire une mise en place pour toi et toi-même, tu viens t'asseoir à côté. Alors que c'est toi qu'on attendait. Mais comme tu ne connais pas les règles protocolaires, le pasteur aime dire que le monde spirituel est juridique. Ça, j'ai beaucoup aimé. Le monde spirituel est juridique. Banatarisha kiti juyako et toi, tu viens t'asseoir à côté parce que tu ne connais pas les règles protocolaires. Hallelujah. Tusiharibishe mambo ikala kukiti nye Mungu amekutayarishia. Moi en tout cas, je dis Seigneur, après moi séminaire, mimi nikala kukiti yango tu. Na ikala bien kabisa. Hallelujah. Dites à Dieu, j'ai besoin de m'asseoir sur mon siège d'établissement. J'ai besoin. Hallelujah. Apana ile ma kutulia, ma humilité zabongo. Non, quand Dieu vous a établi, prenez ce que Dieu vous donne. Hallelujah. Il y a des fausses humilités dans la vie. Hakuna, on a dépassé ce stade-là. Quand Dieu vous établit, vous prenez le manteau de l'établissement. Je déclare sur toi le manteau de l'établissement. La puissance et l'autorité de Dieu. Si tu avais peur de parler, tu parles avec assurance. Hallelujah. Parle, bien-aimé. Et je ne sais pas quel est le domaine. Ce matin, j'ai la conviction, et je le dis, Dieu, il nous enverra partout. La Bible déclare, et le monde connaîtra la sagesse infinie de Dieu par l'Église. Il y a des politiciens assis dans cette salle. Il y a des hommes et des femmes d'affaires dans cette salle. Il y a des hommes qui vont diriger des universités dans cette salle. Il y a des hommes et des femmes qui vont révolutionner l'imaginaire du Congolais. Il y a des musiques qu'on nous balance à gauche, à droite, qui deviennent comme la norme dans la société. Après, quand tu écoutes, tu dis, bon, c'est quoi dans ces musiques-là? Apparemment, c'est vide. Qui sont ces hommes et ces femmes qui peuvent se lever pour nous donner des musiques, des chansons qui conditionnent la société? Il y a des livres qui circulent dans la société, mais quand tu le lis, vous sentez qu'on est en train d'amener les gens quelque part. Qui sont des gens qui doivent se lever au nom de l'Éternel pour écrire des ouvrages qui ramènent les gens? Alléluia. Alléluia. Où sont ces hommes et ces femmes, mon Dieu? Et c'est vous et moi ce matin. Alléluia. L'Église doit faire la loi. C'est ça le mandat que nous avons. Il dit à Timothée, je veux que tu saches que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. J'aime cette parole. Vous avez lu ça? La colonne est l'appui de la vérité. Ça veut dire, c'est là où mon frère Prince se situe. Ou qui touche à la colonne, il bâtiment n'angouka. Et la Bible est en train de dire, c'est nous l'Église qui soutenons la société. Mais on est là assis, un peu humble, on a mahaya. C'est quoi même cette histoire? Bon gars, Paul disait à ce temps, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance. Pour quiconque croit. Alléluia. Vous trouvez les gens en train de parler de leurs choses. Mais oui, tu as honte de quoi? L'évangile est une puissance. Paul va jusqu'à dire, nous sommes des vases de terre, mais nous portons un trésor. Un trésor qui doit être présenté au monde. Alléluia. La colonne est l'appui de la vérité. Et vous pensez que c'est ce bâtiment qu'on dit, l'église est la colonne et l'appui de la vérité, c'est toi et moi. Et si Dieu attend de toi colonne et appui de la vérité, mais tu sais comment Dieu il te considère. À un moment donné, tu dois commencer à être fier de toi-même. Fier de toi-même. Peu importe la forme. Peu importe, mais si je n'ai pas la forme qu'il faut, le Saint-Esprit me donnera la forme. Si je n'ai pas le contenu, il me donnera. Parce que nous avons lu hier qu'il a donné le Saint-Esprit comme le gage. Et le gage, c'est la compte. La compte, c'est la garantie. Tu viens payer les loyers. C'est bon, on a formé à quoi que ça, on a après. Bon, on est parti quand ça avance. Hasa Mungu anasema unaweza sita lipaka kama atakwenda Roho Mtakatifu. Wewe unajua sa Roho Mtakatifu, c'est celui qui a créé la terre. C'est celui qui couvait la terre. Si tu n'as pas la forme, il te donne la forme. Si tu n'as pas le contenu, il te donne. Il a dit les consolateurs. Alléluia! L'appui, la colonne de la vérité, c'est toi et moi. Ça veut dire il y a des livres qui doivent être écrits dans cette génération qui ramènent les esprits des Congolais. Il y a des musiques qui doivent être chantées, qui révolutionnent le mental. À la longueur de la journée, musique, Ramamada, c'est Zahé, mais après, c'est comme si vous abétissez tout un peuple. C'est comme ça qu'on dit en Swahili. Et à la fin, vous avez un peuple qui est comme ça, hakuna direction. Vous allez où? Eh, papa, 85 millions, hakuna vision, au centre de l'Afrique. Père, c'est toi et moi, Seigneur. Bien-aimé, c'est toi et moi. C'est toi et moi, Seigneur. Il y a quelqu'un qui doit se lever. Ce pays, il a un destin. Amen. Même si tu iras quelque part, il revient parce qu'il y a un destin ici. Alléluia. La capacité de voir et de lire les signes des temps. Et que lorsque Dieu te donne cette capacité de lire, de voir les signes des temps, ton attitude change. Le langage n'a changé. À un moment donné, tu dois te déconnecter avec certaines personnes. Oh, Inchi. Non, non. Quand toi, tu as lu le signe des temps, le langage change. La façon de voir les choses change. Même ton attitude. Alors, pour éviter un peu ma souci, on a dit que comme on dit. C'est bon, je n'aime pas les soucis. Parce que, oh, ni comme Christ, si peine, on a tout pour l'épaule. C'est plus calme. Parce que tu vois là où Dieu est en train de t'amener. Tu vois là où c'est que le Seigneur est en train de faire. La capacité de lire les signes de temps. Dites à vos voisins, tu as besoin de lire les signes de temps. Alléluia. Les signes de temps. Et Dieu est en train de préparer un environnement favorable pour nous. Il y a des hommes et des femmes qui vont être élevés facilement parce que le signe des temps indique que le Seigneur est en train d'élever ses enfants. Il y a des grâces auxquelles vous allez accéder parce que Dieu veut que vous puissiez faire quelque chose pour lui. Alléluia. Deuxième chose, se lever pour agir. C'est simple comme phrase, mais elle dit beaucoup. Quand Dieu veut vous déployer, il faut qu'il voie en vous, il y a quelque chose qui doit remonter à vous, que j'appelle la volonté et la détermination de s'engager dans votre carrière. La volonté et la détermination de s'engager dans votre carrière. Vous savez, il y a des gens qui sont experts en souhait. Vraiment, le jour où j'aurai, le jour où ça va arriver, le jour où ça va... Non, ce jour-là n'arrivera pas. Il faut prendre la résolution. Je comprends que le Seigneur veut que je fasse ça et je suis déterminé. Une volonté, sa détermination, ni souhait à bout et tout. Et les années passent. Natunazeka et puis tout le monde dit, oh vraiment, le jour où j'avais l'énergie. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. Je veux que je me lève avec toi, Seigneur, pour faire quelque chose. Vous savez... Le matin, j'ai lu un passage dans Hébreux où il dit « Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Il y a une carrière, il y a une carrière, il y a une profession. Et je nous ai découragés à toujours dire que voilà, je suis chômeur. Aouko chômeur, akuna chômage, mon présence est à Mungu. Akuna chômage, il y a chômage, il y a un contrat, il y a deux mois, il y a une année, akuna. Votre véritable profession, votre véritable mission, c'est ce qui est attaché à l'établissement que Dieu vous a confié. Il est marqué, il est un roi canard aux autres. C'est juste une source de provision que nous avons tout connecté pour le servir. Mais si en fait tu ne comprends pas ça, quand tu as eu un contrat, tu es arrivé. Non, ça ou bien une botte. Si tu chafik, ou chafik. Juu tu as 10 000 dollars, nous avons coulipan. Job marque, bah tu vas se mécher que tena na si juu ouais, aux kanyaga tena chini 10 000 dollars et tout. Peu importe le travail que Dieu permettra que tu puisses avoir, c'est juste une provision que Dieu amène sur ta table pour que tu puisses le servir. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut cesser de dire toujours que vraiment, si tu es chômeur, tu es à Pana. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit. Alléluia. Et il ne faut pas en faire un problème. Vraiment, si tu es masikini, les malheureux, qui te dit que tu es malheureux? Du tout contraire, tu n'es pas malheureux. Scellé, certifié par Dieu. C'est une question de temps. Oh non, si na makuta, parce que vous avez l'argent, vous pensez. Non, nous tous, on est passés par là. Et le Seigneur, à ce temps, il a fait grâce. Donc, il n'y a pas un problème. Mais reste seulement sur le couloir que le Seigneur. J'ai vu beaucoup d'hommes et de femmes dans cette église, comment Dieu, nous étions venus tous comme des petits garçons. Mais le Seigneur, peu à peu, il a fait du bien à ses enfants. Donc, il faut simplement être à la bonne place et au bon endroit et au meilleur moment. Et le Seigneur vous fera du bien. Alléluia. Se lever pour agir. Jésus est en train de dire à ses disciples, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez. Ça veut dire, après l'établissement, il y a un mouvement qu'il faut effectuer. Alléluia. Dites avec moi, mouvement. Quand tu es établi, il dit, je vous ai choisi et je vous ai établi. L'étape suivante, il faut que vous alliez. Donc, il y a un mouvement, il y a un déplacement. Que ce soit dans ton esprit, que ce soit dans ta façon de penser, que ce soit des actions. Il dit, afin que vous alliez. Alors, la bonne chose qui est ici, chacun, il va dans la direction que Dieu lui a donnée. Tous, nous travaillons pour la même cause, mais chacun spécifiquement là où Dieu. Il y a certains que Dieu a appelés comme médecins, il y a les uns que Dieu a appelés comme avocats, il y a des gens que Dieu a appelés comme politiciens. Chacun. Je disais ce matin, peu importe là où Dieu m'enverra, que ce soit chez les politiciens, chez les universitaires, je vais utiliser leur langage, mais je vais simplement présenter Christ. C'est le message qui change. Qu'est-ce que nous apportons dans le monde? Nous apportons le trésor que Dieu il a placé à nous. Le trésor, c'est Jésus. Le trésor, c'est sa parole. Le trésor, c'est l'évangile. Nous croyons ce matin que Dieu attend que toi et moi, nous puissions faire ce mouvement. Il dit, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Il y a le fruit. Il y a le fruit que le monde attend de toi. Quand vous allez dans Matthieu, au chapitre 5, le verset 13, surtout le verset 15, il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Dieu ne peut pas t'allumer pour te cacher ensuite. Si Dieu t'a allumé, s'il a investi à toi, c'est que le temps de l'exposition vient. Quand Dieu il vous déploie, il vous expose. Quand Dieu il vous déploie, il vous met sur le chandelier où votre lumière doit luire et éclairer votre génération. Je vais parler enfin de la troisième chose qui nous aide dans notre processus de déploiement, c'est le soutien. Faire appel au soutien permanent de Dieu. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, la Bible dit clairement, et ça c'est Jésus qui parlait, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu est celui qui récupère nos faibles efforts et nos efforts humains pour les amplifier et donner gloire à son nom. Je prie que Dieu récupère tes efforts et qu'il les amplifie. » Ceux qui ne pensaient pas que tu valais quelque chose, voient la grâce de Dieu sur ta vie et glorifie le Seigneur. Parce que les faibles commencements, les faibles efforts, lorsqu'ils sont récupérés par Dieu, ils produisent un miracle. Un miracle de la part de Dieu. Alléluia. Et nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous qui est le gage que Dieu a placé pour dire, je vous ai confié une mission, je vous donne mon gage, la garantie que je vous donnerai toute la provision dont vous avez besoin. Et dans Jean chapitre 4, le verset 36, la Bible déclare, celui qui moissonne reçoit un salaire. Celui qui moissonne, il reçoit un salaire. La provision qui est attachée à la mission que Dieu te confie ce matin, elle est disponible. Il est simplement question que tu t'élèves et que tu voies là où Dieu est en train de t'envoyer et là tu trouveras la provision. En conclusion, pour terminer cette méditation, je voudrais que Dieu nous aide, bien-aimés. Il nous aide chacun à être capable de se lever. Comme il a dit, levez les yeux et regardez. Il est temps de lever les yeux et de regarder. Et au verset 15 de Matthieu 3, j'aime ce passage, il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et enfin, j'aime sa conclusion, il dit que votre lumière luise ainsi que devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Ce matin, je prie et je déclare sur toi que ta lumière luise, que ce que Dieu a investi à toi s'expose, que toutes les richesses qui sont cachées à toi montent à surface, afin que notre génération, notre société, voie la gloire de Dieu au travers de ta vie. Est-ce qu'on peut se lever, on offre une très bonne acclamation à Jésus, qui est celui qui nous a aimés, celui qui nous a établis, celui qui nous fait du bien. Acclame bien Jésus. C'est lui que nous portons comme le trésor de tout le temps, le trésor de tout le temps. Nous sommes dans la saison du déploiement. Jésus, après l'établissement, c'est la saison du déploiement. Et je vois les miracles qui vont accompagner le peuple de Dieu. Je vois les prodiges, je vois l'élévation, je vois la provision qui vient devant toi. Je vois les portes qui s'ouvrent par la vertu de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parle à Dieu ce soir matin. Dis à Dieu merci. Alléluia. Alléluia. Nous élevons le nom de Jésus encore ce matin. Comme un étendard, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, la bannière qui montre la direction et le chemin. Après ton établissement, Dieu veut te déployer et c'est la volonté de Dieu. À ce temps, Jésus a dit, levez les yeux et regardez. Je prie que Dieu ouvre tes yeux pour voir l'acte que tu dois poser. Beaucoup d'hommes et de femmes sont passés à côté. Ils ont raté des opportunités parce qu'ils n'ont pas été en mesure de lire les signes des temps. Mon Dieu, merci ce matin. Merci pour la grâce, Jésus. Merci pour le privilège d'être à toi. Adorable, tu es adorable. Adorable Jésus, tu es adorable. Chantons-le avec conviction, bien-aimé dans le Seigneur. Adorable, adorable, oh, tu es adorable, adorable. Adorable Jéhovah, tu es. Chantons-le encore avec foi et nous offrons une bonne adoration à Dieu ce matin. Adorable Jésus.